2013, je ne m'arrête pas dans ma lancée. Toujours quelque chose à dire, un mot de plus justifie ma pensée. Étant donné que mon expression est une liberté, je la fais mûrir, elle a passé l'âge de la puberté. Nourrie à l'oxygène pur, quand j'ai besoin de me retrancher. Un paisible calme, c'est le meilleur remède qui m'a engrangé vers de nouveaux défis. Mais ma conscience m'a alerté, encore plus de méfiance pour un projet exacerbé. Le soutien qui m'entoure, les compliments auxquels j'ai eu droit ne me font que de me donner l'envie d'attaquer la feuille comme je détiens l'âme vautour, je détiens l'instinct de félin. Je ne tourne autour du pot que si je trouve mon festin. La perfection, une partie de moi que je ne peux pas changer. La punchline dans une vérité pour les tympans, c'est danger. J'ai des jantes à bâton, mais pas de bâton dans les jambes. Je trace mon parcours seul, tout qu'on ne me dise pas que j'ai changé. Les présentations sont finies, un mot de plus. T'as connu la voix de l'artiste, un mot de plus. Je ne me donne pas de limite, un mot de plus. Le punchline t'envoie direct chez le dentiste, un mot de plus. Ma recommandation c'est mon disque, un mot de plus. La sincérité dans mes titres, un mot de plus. Aucune merde ne me change les idées, un mot de plus. Ma famille toujours là pour m'épauler, un mot de plus. Nouveau départ, nouveau texte, nouveau niveau, toujours plus haut. Je garde toujours mes rimes en travaux. Impossible de déserter le rap après toutes ces années. Ma bannière bannit les barrières, mais le summum n'est pas né. Rien à redire sur mon passé ou mon teint basané. Mais un mot de plus sur cette vie qui m'a désarmé. Un mot de plus pour montrer que tout est possible. Les opportunités à saisir ne sont que chance, sois un peu docile. J'écris mes textes au fusain sur papier canson. L'art de manier les mots, les descendants de Molière devraient demander une rançon. Le rap est la seule musique où tu trouves ces mentions. Jeu de mots, punchline, rien ne nous fait abstention. Attention, rien de plus dangereux qu'une détermination. Haute tension, rien ne fait face à mon illumination. Un seul mot d'ordre pourrait finir ce couplet. En résumé, un seul mot de plus, yeah. Toupé, les présentations sont finies, un mot de plus. T'as connu la voix de l'artiste, un mot de plus. Je ne me donne pas de limite, un mot de plus. Le punchline t'envoie direct chez le dentiste, un mot de plus. Ma recommandation c'est mon disque, un mot de plus. La sincérité dans mes titres, un mot de plus. Mais une merde me change les idées, un mot de plus. Ma famille toujours là pour m'épauler, un mot de plus. Yeah, un mot de plus. Yeah.